بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى ما بعد ف aujourd'hui le 15 du mois de Jumada al-Oula de l'année 1443 après l'hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons cette assise de révision des trois cours précédents de Mustalah al-Hadith, la terminologie du Hadith. Donc j'ai une série de questions auxquelles vous allez répondre. Comme je vous l'ai dit, ce cours, c'est vous qui allez le faire. Et comme le dit le poète, إِنَّمَا حَيَاتُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهُ. La vie de la science, elle se fait par la révision. Il ne suffit pas de venir assister à des cours et ne pas prendre note, comme on l'a déjà évoqué précédemment, et ne pas réviser cette science. Sinon, ce temps que tu auras passé dans des assises, on ne dit pas que c'est un temps que tu auras perdu, mais tu ne l'auras pas exploité comme il se doit. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit « Ida'atul waqti ashaddu min al-maut » La perte de temps est pire que la mort. Pourquoi ? Il l'explique, rahimahullah. Car la mort te coupe de cette vie d'ici-bas et de ces gens. Alors que la perte de temps te coupe d'Allah et de la vie dernière. Donc essayez d'exploiter un maximum ce temps que nous passons ensemble à réviser la science. On va aller normalement un petit peu rapidement. Vous avez tous révisé, Allah mabarak, certains frères ils ont fait les devoirs. Certains frères qui ne devaient pas venir aujourd'hui. Frère Abdelrahman de Lognes, Allah khair, il a pu assister aujourd'hui, mais il m'a envoyé hier par message. Les devoirs, ça fait vraiment plaisir de voir ça, cet effort qui est fait par certains frères. Et sans aucun doute, l'ensemble d'entre vous faites des efforts. Barakallahu fikoum. La première question, la définition de cette science, al-mustalah, la terminologie du hadith, de manière concise. Qu'est-ce que la terminologie du hadith ? On bute sur la première question. Qu'est-ce que la terminologie du hadith ? On a dit de manière concise. À quoi est-ce qu'elle consiste ? Tfaddal. Connaître l'état du texte et du rapporteur. Ahsant, barakallahu fik. La connaissance de l'état du texte qu'on appelle al-matn ou al-khabar. Al-matn ou al-khabar, l'information, et de ses rapporteurs, c'est-à-dire de al-isnad, la chaîne de transmission. Ahsantum. Donc ici, on a deux termes très importants qu'on a étudiés, al-matn, donc l'information, le texte en lui-même, et al-isnad, la chaîne de transmission, qui est la chaîne des rapporteurs qui ont rapporté l'information de la personne qui l'a prononcée jusqu'à nous. Combien de sortes peut-on trouver dans les sciences du hadith ? Combien de sortes de sciences différentes ? Tfaddal. Ça dépend en fonction des rapporteurs. Il y a plusieurs savants. Ah. Certains ils ont dit 52. Ahsant. 65. Ahsant. 24, 34. Barakallahu fik. Donc. Al-Hakim Abu Abdullah 52. Ahsant. Ibn Salah 65. Al-Nawawi 65. Ibn Kathir 24. Ahsant. Al-Dahabi 24. Al-Badawi 34. Al-Bayquni 34. Ahsant, barakallahu fik. On a dit donc les sciences du hadith, c'est quelque chose qui est difficile à quantifier, à donner un nombre exact de sciences du hadith, car plusieurs sciences peuvent rentrer dans une seule science, de même que plusieurs sciences peuvent être dénombrées, peuvent être sorties d'une même science. Et ici, dans notre cours, on a mis en avant trois grandes sciences des sciences du hadith. Quelles sont-elles ? Tfaddal, c'est quoi ? Mustalah al-Hadith qu'on vient d'expliquer ici. Al-Ilal, qu'on traduirait par quoi ? Al-Ilal. Le défaut, la maladie, dans le Hadith. La maladie, pourquoi ? Car le savant de la science de l'Ilal, le savant du Hadith, de manière générale, c'est comme un médecin, un tabib, qui vient soigner ses maladies. Fadl Sekou, le troisième. Ahsant, barakallahu fik. Al-jarh wa ta'dil, la science de la critique et de l'éloge. Que veut dire al-jarh, la critique ? Quand on parle d'un rapporteur, on dit que cet rapporteur est majrouh, qu'un savant du hadith lui a fait un jarh. Et cette chose-là est traitée dans la science évoquée par les frères ici, de la science de la critique et de l'éloge. Al-jarh wa al-ta'dil. Commençons par al-jarh, la critique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi, Tfaddal ? C'est une information qui, avec cette information, elle ne prendra pas la science ou l'information du rapporteur. Ahsant, ahsant, barakallahu fik. Al-jarh, c'est une parole sur le rapporteur, une information rapportée sur le rapporteur qui impliquera de refuser l'information de ce dernier. Une critique sur ce rapporteur. Et la science de... Et al-ta'dil, pardon. Al-ta'dil. L'éloge. Hassan, faddal. Ahsant. L'inverse. L'inverse. Une information qui sera rapportée sur le rapporteur ou une qualité du rapporteur qui impliquera d'accepter son information. Un exemple de jarh. Un exemple de jarh. Menteur. Menteur. Ahsant. Problème de mémoire. Ne mémorise pas. Ahsantum. Et un exemple de ta'dil, d'éloge. Et parfois, pieux, quand ils disent salih, parfois, ça pourrait être, comme je l'ai dit, vous vous rappelez, on a évoqué certaines paroles qui sont données par les savants du jarh wa ta'dil, qui parfois, chez certains d'entre eux, sera une critique. Mais ce sera une critique qui sera minime. Et chez certains d'entre eux, pardon, ce sera un éloge. Et généralement, ce sera un éloge qui sera minime. Ces paroles-là, où chez certains savants, on peut trouver que c'est utilisé pour faire une critique, ou chez certains autres savants, un éloge, c'est au plus bas degré, c'est-à-dire qu'ils sont très proches. Vous comprenez ? Et il y a aussi d'autres paroles, comme par exemple, comme je l'évoquais, lorsqu'ils disent « shaytan », c'est une critique ou un éloge de dire « shaytan » sur une personne ? Un éloge. Shaytan. Un éloge. On avait dit éloge. Ahsan. On avait dit éloge. C'est vrai que ça peut être les deux. Hassan, barakallahu fik. Ahsan. C'est possible qu'un des savants du jarh wa ta'dil dise sur une personne, c'est un shaytan. C'est une critique. Mais chez certains, parmi les gens du jarh wa ta'dil, shaytan, c'est un éloge. C'est-à-dire qu'il est tellement fort dans la mémorisation que c'est un shaytan dans cet art, l'art de la mémorisation. Et ça, on le retrouve dans les paroles de certains parmi les savants, ce qui nous montre l'importance de lire dans ces livres. Et avant de s'avancer à pratiquer cette science, la science de la critique et de l'éloge, de connaître les terminologies employées par les savants. Tu ne prends pas les livres comme ça alors que tu es débutant. Tu vois que Ibn Abi Hatim a dit sur un tel que son père Abu Hatim a dit « Shaytan » et tu dis « ça c'est quelqu'un de majrouh » alors que ça fait partie des plus hauts degrés de ta'dil. Il est tellement fort dans la mémorisation que c'est un shaytan dans cet art. Donc on a dit un exemple d'éloge. Tfaddal Damien. Quelqu'un qui est connu pour avoir une bonne mémorisation. Ahsant. Quelqu'un qui a une bonne mémorisation. Ou Abdallah. Thiqa, quelqu'un qui est juste, qui est sûr, de qui on peut prendre l'information. Ahsantum. On a dit que le hadith se divisait en plusieurs sortes, et ceci en fonction de certains facteurs. On a dit par exemple, en fonction de la personne qui l'a prononcé. Vous vous rappelez pourquoi on a parlé de ça ? Que le hadith se divise en plusieurs sortes en fonction de certains facteurs. Celui qui étudie cette science, il ne passera pas forcément par cela. Ce tableau, cette division que j'ai faite, qui est faite par certains parmi les savants, c'est pour faciliter la compréhension. Parce que quand on prend des livres de la science du hadith, comme par exemple « Ma'rifatu ulum al-hadith » de Al-Hakim, rahimahullah, on voit qu'il a rapporté tant et tant de sciences, 52 sortes de sciences du hadith. Il mélangera dans son livre toutes ces sortes-là. Ici, c'est une manière de comprendre, de faire la différence entre ces sortes de sciences. Pourquoi celle-ci et celle-là ? C'est une manière de ranger ces sciences en catégories. Donc on a dit que le hadith se divisait en plusieurs sortes selon certains facteurs. Le premier, selon celui qui l'aura prononcé, selon celui qui aura prononcé l'information. On a dit que, par exemple, la parole de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle Mahdi. Marfou', ahsant. Quand on dit que cette information est marfou', eh bien, on sait que celui qui l'a prononcé, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque c'est un tabi'i qui l'a prononcé, on dira Abdallah. Maqtou', maqtou', lorsque c'est un tabi'i. Et lorsque c'est un sahabi, mawquf, ici. Et on a dit aussi que l'information al-khabar englobait tout cela de manière générale. Et lorsque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prononce l'information, on appellera ça un hadith ou un athar an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit, on utilise le terme athar, c'est pour désigner généralement la parole de un parmi as-sahabi ou at-tabi'i ou un parmi salaf salih. On dira donc que innamal a'malu bin niyyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Comment on appelle ça? Marfou'. Hadith, on dira que c'est une parole, une information marfou'. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a prononcé. La parole de Zuhri, Muhammad ibn Shihab, rahimahullah, lorsqu'il dit man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. وَإِنَّمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ عَلَى مَرِّ الْأَيَامِ وَالْلَيَالِ. Celui qui prend la science en une seule fois, en un seul bloc, elle partira de lui, elle s'en ira de lui en un seul bloc. Et la science se demande au fil des jours et des nuits. Cette parole de Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en quelle année? Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. On a dit 123 ou 124. Une divergence sur l'année de sa mort. Muhammad ibn Shihab, donc, sa parole, celle-ci que je viens de citer, comment on appelle ça? Comment on appelle cette information? Marfou'? Mawquf? Hein? Mawquf? Hein? Maqtou'. Maqtou', pourquoi? Muhammad ibn Shihab, c'est un tabi'i. Maintenant, la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Ahsant. La veste. Ahsant. Mawquf. La parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Pourquoi mawquf? Parce que c'est un sahabi. Et la parole de Omar, je cherche juste sa parole comme ça au profit d'une des paroles de Omar. Kunna qawman adhilla faja'a Allah bil islam fa'azzana bil islam wa mahma btaghayna al izzata fi ghayri al islam adhallana Allah. Dans le sens de ces paroles, radi Allahu an, nous étions un peuple avili et Allah azza wa jalla nous a rendu puissant, nous a honoré par l'islam, tant que nous chercherons la puissance ou l'honneur dans autre que l'islam, Allah Azza wa Jalla va nous avilir. Parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Donc on a dit, mawquf. On a dit que le hadith aussi se divisait selon le nombre de voix par lesquelles il nous a été rapporté. En combien il se divise? Fadal. En deux et ahad. Ça, c'est la grande famille, ahsantum. La grande famille, de manière générale, soit le hadith est mutawatir, soit on appelle ça ahad. Al mutawatir, rapidement, qu'est-ce que c'est? Par plusieurs chaînes de. Ah, Mustafa, t'fadl. Par plusieurs chaînes de transmission, à partir de trois. À partir de trois? Ah, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par tellement de chaînes de transmission qu'il est impossible que les gens s'accordent sur un mensonge. Ahsan, ça c'est une définition très proche de celle qu'on a donnée. Donc c'est un hadith qui est rapporté par une communauté, un grand groupe de gens, qui le rapporte elle-même d'un autre grand groupe de gens. Et habituellement, cette manière de le rapporter ou ce grand groupe de personnes rend impossible le fait qu'ils se soient accordés pour mentir sur cette information. Ça, c'est ce qu'on appelle al-hadith al-mutawatir. Et en révisant un petit peu dans les dictionnaires, après que votre frère Yaqub, qui n'est pas là aujourd'hui, hafidahullah, m'a montré une traduction qu'il avait déjà pris dans un cours précédent, je trouve que cette traduction est une traduction qui est assez bonne de al-mutawatir, après avoir révisé dans les dictionnaires de français, plusieurs dictionnaires. C'est notoire. Quelque chose de notoire, ça s'applique à al-mutawatir, on dira plus ou moins. Donc soit on le laisse comme ça, comme tel quel, donc mutawatir, ou on dira quelque chose de notoire. Si vous voulez avoir vraiment la définition en français de quelque chose qui est notoire, parce que dans notre jargon, notre vocabulaire d'aujourd'hui, peut-être que notoire, on ne s'imagine pas très bien, ou on ne fait pas très bien la relation entre ça et la définition qu'on a donnée, mais revenez à ces dictionnaires. Sur le site du CNTRL, le Centre National de Ressources Linguistiques. Donc, le hadith notoire et l'autre, l'ahad. On a dit que le mutawatir, celui-là, on l'étudie ici dans le sens du hadith ou pas ? On ne l'étudie pas, ce n'est pas quelque chose, un hadith mutawatir, ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier dans la science du hadith. Pourquoi ? Fadal. Les chaînes de transmission, elles sont tellement nombreuses qu'il n'y a pas de discussion. Ahsante. On le prend, comme l'a dit Sekou, comme tu l'as dit, elles sont tellement nombreuses, les chaînes de transmission, qu'il n'y a pas de discussion. On l'accepte. Un hadith mutawatir, on ne regarde pas sur ces chaînes de transmission. On l'accepte. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera étudié dans la science que nous avons étudiée ici. Plutôt, celui qui sera étudié, c'est l'ahad. Et l'ahad, on a dit qu'il se divisait en combien ? Souleymane, fadda. Trois catégories. Quelles sont-elles ? Une chacun. Abdallah. El-Mashour. Souleymane. El-Aziz. Mehdi. El-Gharib. On a donné un autre nom à El-Gharib. Vous vous rappelez ? Damien, tfaddal. El-Fard. Ahsant. El-Gharib ou El-Fard ? Donc c'est Ahsantum, barakallahu fikum. C'est trois sortes différentes. El-Mashour. Quel est-il ? Lorsqu'on dit un hadith, Mashour. C'est quoi, tfaddal ? Au moins trois personnes dans chaque... Dans chaque niveau de la chaîne de transmission, Ahsantum. Au moins trois personnes dans chaque niveau de la chaîne de transmission. Trois et plus. Trois, quatre, cinq, jusqu'à arriver à être un hadith mutawatir. Al-Aziz, Souleymane, Fadal. Deux chaînes, deux personnes dans chaque niveau. C'est très important de préciser dans chaque niveau. Pourquoi ? Attendez, on termine avec Al-Gharib. Al-Gharib. Une personne. Pourquoi c'est important de préciser pour le Mashour et l'Aziz dans chaque niveau ? On a évoqué une règle qui est très importante dans la science du hadith. Quelle est cette règle ? Le petit nombre l'emporte sur le grand nombre. C'est-à-dire que si on a un hadith qui est rapporté dans plusieurs niveaux par deux personnes, mais qu'à un de ces niveaux, il sera apporté par une seule personne. On a une information qui est rapportée de Abdallah par trois personnes. Deux personnes le rapportent de ces trois personnes. Ensuite, quatre personnes le rapportent de ces deux personnes. Ensuite, on a Cheikh tout seul qui nous rapporte cette information de ces deux personnes ou quatre personnes ou autres. La seule personne qui rapporte cette information à l'ensemble d'entre nous. Comment on appellera ce hadith ? Damien. Gharib. Pourquoi ? Parce qu'à un moment dans la chaîne de transmission, il n'y a eu qu'une seule personne qui aura rapporté cette information. C'est pour cela que certains parmi les savants, ils appellent ça le fard, c'est-à-dire tafarrada bihi, shaykh. Il a été le seul à le rapporter, shaykh, à ce moment-là. Une seule personne. Donc la règle, elle est très importante. Le plus grand nombre, le plus petit nombre, pardon, l'emporte ou prévaut sur le plus grand nombre. Dans le sens de la règle. Parmi les sortes de hadith mashhour, on a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens Allah n'enlèvera pas la science en une seule fois, mais il enlèvera la science par la mort des savants. Ou Allah n'enlèvera pas la science en la prenant des poitrines des gens, mais il enlèvera la science par la mort des savants. Ce hadith est un hadith qui est mashhour. Al-Gharib ou Al-Fard, on a dit quel hadith ? Un exemple. Abdallah. Vous vous rappelez, on l'avait écrit au tableau, Ahsant, Innam al-A'mal ou bin Niyat. Chacun d'entre nous connaît ce hadith. Les actions ne valent que par leurs intentions. C'est un hadith qui est gharib, puisque la personne qui le rapporte de Omar ibn al-Khattab, qui est cette personne ? Al-Qama, Ahsant. Ahsant, Al-Qama, c'est le seul qui le rapporte de Omar. Qui le rapporte de Al-Qama ? Ahsant. Ça, on va en profiter de ça. Les frères qui regardent dans leur cahier pendant la révision, c'est une bonne chose. C'est pas forcément une mauvaise chose. On va en profiter quand on va arriver à ça. Rapidement, on a dit donc Mohamed ibn Ibrahim At-Taymi. Qui le rapporte de Mohamed ibn Ibrahim ? Damien. Yahya ibn Sa'id. Ahsant, Yahya ibn Saïd, Al-Ansari. Qui le rapporte de Yahya ibn Saïd? C'est le seul. Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi, c'est le seul qui le rapporte de Al-Qama. Al-Qama, c'est le seul qui le rapporte de Omar. Yahya ibn Saïd, c'est le seul qui le rapporte de Mohamed ibn Ibrahim. Qui le rapporte de Yahya? Soufiane. Et qui le rapporte de Soufiane? Al-Humaydi. Qui le rapporte de Al-Humaydi? Al-Bukhari. Au moment de la chaîne de transmission où Soufiane le rapporte de Yahya ibn Saïd, il faut savoir que Soufiane le rapporte, mais d'autres personnes aussi le rapportent. Il n'est pas le seul à le rapporter. De même que le Humaydi n'est pas le seul à le rapporter. De même que le Bukhari n'est pas le seul à le rapporter. Mais à un moment dans la chaîne de transmission, il n'y avait qu'une seule personne. Donc on appelle ça Gharib. On a dit que le hadith aussi se divisait en fonction de son acceptation, de son refus. Soit c'est un hadith qui est accepté, soit refusé. Quel est le hadith accepté et quel est celui qui est refusé, rejeté? Tfaddal. Le sahih. Lequel est accepté? Le sahih. Le sahih uniquement? Hein? Al-Hassan, le bon. L'authentique et le bon. Et celui qui est rejeté? Al-Da'if. On voit que Allah mabarak, les frères, vous avez bien révisé. On a dit que les causes qu'un hadith soit faible, da'if, il y a deux grandes causes. Quelles sont ces deux grandes causes? Selim. À un moment dans la chaîne de transmission, il y a une personne qui est absente. Ahsant. Critique d'un rapporteur. Hein? La critique d'un rapporteur ou, comme l'a dit Salim, Hassan a dit, la critique d'un rapporteur ou l'absence d'une personne ou le fait qu'une personne, un rapporteur, tombe, c'est-à-dire une incontinuité, une coupure dans la chaîne de transmission. Soit une coupure dans la chaîne de transmission, soit la critique d'un rapporteur. On a dit la coupure dans la chaîne de transmission. Elle se divise en combien? Hein? Tfadal. Quatre. Ahsant. On a dit qu'on a Al-Mu'adal wa Al-Mursal wa Al-Mu'allaq wa Al-Munqati'. Ahsantum. Et la critique d'un rapporteur se divise en deux grandes familles et chacun en cinq causes que l'on critique un rapporteur. Soit on critiquera le rapporteur pour sa viabilité, c'est-à-dire sa religion, soit on le critiquera pour sa mémorisation. Ahsantum. Par exemple, dans sa religion, parmi ces sortes de critiques dans sa religion, on dira le mensonge. Et lorsqu'il y a un rapporteur qui est menteur de la chaîne de transmission, qu'est-ce qu'on dit que ce hadith, on l'appelle comment? Da'if, ouais, mais Moudour. C'est un da'if, comme tu l'as dit, Moudour. Puisqu'il y a un menteur dans la chaîne de transmission. Pareil, une autre cause de critique d'un rapporteur dans sa religion. La perversion. Ahsant Omar. Être accusé de mensonge. On a le menteur et celui qui est accusé de mentir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement s'il a menti un jour sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on l'accuse de mensonge. Une autre cause, une dernière. Abdallah. Al-Mubtadi', Al-Bid'a, l'innovation. Ahsantum. La deuxième grande cause de refuser le hadith à cause d'une critique d'un rapporteur, donc cette grande cause qui est selon sa mémoire, sur sa mémoire. Par exemple, c'est quoi? Il n'a pas une bonne mémorisation. Il n'a pas une bonne mémorisation, il ne maîtrise pas ce qu'il rapporte. Et on a dit que la maîtrise de ce que tu rapportes, adopte la maîtrise, cette dernière est une condition pour que le hadith soit sahih ou hasan, donc pour qu'il soit accepté. Ça fait partie des cinq conditions du hadith sahih. Et le hadith hasan a aussi cinq conditions, sauf que la différence c'est que les rapporteurs du hadith sahih ont une maîtrise totale, tamuddat, alors que ceux du hadith hasan bon ont une maîtrise plus légère, khafifuddat. Mais sinon les cinq conditions s'appliquent à sahih ou al hasan. D'accord? Adopt, ici, on a ce qu'on appelle Dabtu al-Sadr ou Dabtu al-Kitaba. Ça, je n'en avais pas parlé. Je vous le rapporte ici. Dabtu al-Sadr, c'est-à-dire que la personne apprend, mémorise, maîtrise ce qu'il mémorise, ce qu'il a mémorisé et pas écrit, par opposition à l'écriture. Alors que Dabtu al-Kitaba, c'est-à-dire qu'il maîtrise ce qu'il a écrit. Et c'est pour cela, comme je vous l'avais rappelé la semaine dernière, que certains, parmi les savants de la critique et de l'éloge, disent telle personne, il le critique, il dit il était faible lorsqu'il rapportait de sa mémoire, mais lorsqu'il rapporte de son livre, de son cahier, de ce qu'il a écrit, il a une bonne mémorisation ou il a un bon dopt, donc on prend son hadith. Et certains, comment on sait qu'il a rapporté? Parce que les rapporteurs n'ont rien laissé au hasard. Un shir m'a rapporté d'après son livre, qu'il a entendu de tel shir. Parfois aussi, un shir m'a rapporté tel hadith en telle année. Et on sait que ce shir-là, ses livres ont été brûlés dans un incendie 2 ans auparavant. Qu'est-ce qu'on fera de son hadith? On ne le prend pas, parce que ce rapporteur-là, il était bon lorsqu'il rapportait de son livre, mais il avait une mauvaise mémoire, donc quand il rapportait de sa mémoire, il n'était pas bon. On ne prenait pas la science de lui. On regarde dans le temps, la date à laquelle il a rapporté. Et l'exemple, le grand exemple de cela, Ibn Lahi'a, on a déjà parlé dans les cours de Al-Usul al-Thalatha, qui avait une mauvaise mémoire, mais qui rapportait de ses livres. Et lorsque ses livres ont péri, lorsque ces livres ont disparu, lorsque ces livres ont été incendiés, eh bien, à partir de là, on ne prenait plus la science de lui. Donc, on a dit que lorsqu'il y a un menteur dans la chaîne de transmission, on appelle ça un hadith moudou, inventé. Et on a dit qu'il y a des causes pour cela. Quelles sont les causes, par exemple? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à inventer un hadith sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hamid, faddal? Pour se rapprocher du gouverneur, quelqu'un qui veut se faire bien voir du gouverneur pour avoir de l'argent, pour avoir une place, etc. Donc il inventera un hadith qui va dans le sens des passions du gouverneur. De même que le peuple. On parle du gouverneur, souvent on parle du gouverneur, mais du peuple aussi. Quelqu'un qui va inventer un hadith qui penche vers les passions du peuple pour bien se faire voir du peuple. Une autre cause. Pour rapprocher les gens de la religion. Pour rapprocher les gens de la religion, ça c'est très important. On a des personnes qui ont inventé des hadiths méritoires sur le Coran, sur le mérite de réciter telle et telle surah, sur le mérite de réciter le Coran, sur le mérite d'apprendre par cœur le Coran. Ces gens-là ne voulaient pas du mal à la religion. Dans leur intention, ils voulaient du bien, ils voulaient que les gens se rapprochent du livre d'Allah. Et on a dit une règle qui est très importante. À ce moment-là, j'avais dit que la mauvaise œuvre. Ahsan, Hassan, barakallahu fik. La bonne intention ne vient pas réformer ou arranger la mauvaise œuvre. Si tu œuvres une mauvaise œuvre, même si tu as une bonne intention, cette bonne intention ne va pas rendre cette mauvaise œuvre viable, bonne. C'est très important. On a dit, il y avait un devoir sur le moudou. Qu'est-ce qu'on avait dit? Un hadith moudou. Est-ce que vous avez un hadith moudou? Qui a ramené un hadith moudou? Mustafa, tfaddal. Alhamdoulilah. Celui qui fait du mal à un juif ou un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. L'imam Shawkani, il a rapporté dans son livre Al-Fawaid al-Majmou'a. Ahsant. Tu en as un, Hassan? Ouais. Tfaddal. Aimer les Arabes pour 3 raisons, car je suis arabe, le Coran est arabe. Le bienheureux est rapporté par Tabarani dans le Majmou' al-Kabir. Et qui a dit qu'il était inventé? Ça, c'est très important, les frères. Ahsant, mais à partir du moment où on rapporte ici, on n'a pas, j'ai pas les livres pour juger, à part un nombre qu'on peut dénombrer de hadith inventés que je connais. Si vous me rapportez un hadith inventé, je ne peux pas le vérifier comme ça sur place pour vous dire qu'effectivement il est inventé. Comme on l'a vu, Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Mawdu'at, qui est un livre très connu sur le Mawdu'at, sur les livres inventés, a rapporté des hadiths qui se trouvent où? Hein? Dans Sahih de l'imam Muslim. Hein? Certains hadiths qu'il a rapportés dans son livre Al-Mawdu'at, donc qu'il juge comme étant inventés, se trouvent où? Dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc évidemment, ils ne sont pas inventés. Mais lui, si on se contente de ça, on peut tomber dans l'erreur. Et donc on avait cité plusieurs hadiths inventés précédemment, et des hadiths inventés, il y en a un bon nombre que nous retrouvons dans les livres que j'ai cités. On a parlé de As-Sahabi. As-Sahabi, quel est As-Sahabi? Qui est As-Sahabi? Le compagnon. Damien, tfaddal. C'est quelqu'un qui a appris au prophète HLM pendant qu'il était en vie et qu'il l'a rencontré. Ahsan, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cru en lui et est mort sur cette croyance. Très important, parce que s'il est mort en ayant apostasié, eh bien, on appelle ça un sahabi ou pas? Non. Qui, par exemple, a apostasié? Hein? Je veux les noms. Et c'est moi qui vous pose la question. C'est pas vous qui vous posez la question. Ah, Hamid. T'avais fait les devoirs, Hamid, non? Tu m'avais dit, hein? parmi ceux qui ont apostasié, qui ne sont pas revenus à l'islam. Parmi ceux qui ont apostasié, qui sont revenus à l'islam, vous avez trouvé qui? Hein? Abu Idris al-Khawlani. Al-Khawlani? Tu as trouvé lui. Abu Idris al-Khawlani. Dans ceux qui ont apostasié, qui sont revenus à l'islam. Hein? Qui dit ça? Tfadal. Ahsant. Ça c'est le plus connu, Al-Ash'ath ibn Qays. Tulayha. Tulayha qui lui a prétendu être un prophète. Donc il a prétendu une nubuwa, il a prétendu être un prophète parmi les choses les pires. Et malgré cela, après, il est revenu à l'islam et il a eu un bon islam. Il a même combattu pour l'islam, pour l'élévation de l'islam. Tulayha. Abu Idris al-Khawlani, tu es sûr? Al-Mukhadram, je... Donc on a dit parmi ceux qui ont apostasié. Parmi ceux qui ont apostasié et qui ne sont pas revenus à l'islam, hein? Abdallah ibn Khatal, qui s'accrochait sur le Kiswat al-Ka'ba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de sa mort à ce moment-là. Cette personne-là qui a apostasié, qui a délaissé l'islam. Lui, sans aucun doute, il n'est pas un sahabi. Et ce qu'on a évoqué ici, Al-Ash'ath ibn Qays, qui est très connu, qui lui a apostasié, puis est revenu à la religion. Qui donc fait partie de Al-Sahaba. On a dit Al-Mukhadramoun. Qui sont Al-Mukhadramoun? Al-Mukhadram, c'est qui? Celui qui a vécu pendant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a pas rencontré. Ahsant, qui ne l'a pas rencontré. Ahsant. Celui qui a vécu pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'a pas rencontré. Il n'est pas un sahabi, mais il n'est pas un tabi'i. Puisque le tabi'i, qu'est-ce que c'est? On a dit, Mustafa. Celui qui a rencontré les sahabas, mais qui n'a pas rencontré le prophète. Ahsan, celui qui a rencontré un parmi les sahabas. Celui-là, on dira que c'est un tabi'i. Il n'est pas à la place d'un tabi'i, puisqu'il a vécu à l'époque du prophète, mais il a cru en lui à son époque. Donc il est au-dessus du tabi'i, mais en dessous du sahabi, puisqu'il n'a pas rencontré le prophète, al-Mukhadram. Comme qui? Oui, c'est al-Qarni ou al-Qarani. Tu as trouvé que c'était un Mukhadram? Tu as trouvé que c'était un Mukhadram? Qui a dit ça? Il n'a pas vu le prophète Mohammed, mais... Il a cru en lui pendant sa vie? On recherche par rapport à ça. On recherche par rapport à ça, parce que Ouais, c'est le Qarni ou le Qarani. Il y a un hadith sur lui qui se trouve dans le Sahih de l'imam muslim comme étant le meilleur parmi les tabi'in. Il y a une grande divergence auprès des savants. Quel est le meilleur parmi les tabi'in? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la venue d'une personne qui s'appellerait Uwais, dont sa mère était telle et telle. Et le hadith il se trouve dans le Sahih de l'imam muslim. Mais je ne me rappelle pas que c'était un Mukhadram, Uwais al-Qarni. Est-ce que, Kamel, tu sais où? Tabi'i. C'est ce que j'ai en tête. On essaie de rechercher quand même. Biram. Ahsant al-Ahnaf ibn Qays. Parmi Kibar al-Mukhadramin. Mukhadram. Al-Najashi. Mukhadram. Et autres que eux. Le Négus, Ahsant. Le Négus, Al-Najashi, le Négus, c'est-à-dire le gouverneur, le roi de l'Abyssinie à l'époque. C'était un titre qui était donné au roi de l'Abyssinie. Celui qui gouvernait l'Abyssinie à l'époque du prophète, sallam, Al-Najashi, ce Najashi-là, eh bien, il est considéré comme Al-Mukhadramoun. Il a rencontré le Sahaba. Il a rencontré le Sahaba, mais il n'a pas rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et nous terminons ici, pour ne pas dépasser sur le temps que nous avions à partir à ce cours. Je vous laisse réviser ensemble ce qu'on a dit à propos des six livres mères, recueil de hadith, qui sont les six livres mères, Al-Ummahat ou Sitt, ou Al-Ummat. Et en arabe, ceci est plus juste de dire Al-Ummat plutôt que de dire Al-Ummahat. Al-Ummahat, c'est le pluriel de qui est une personne qui a été la mère de quelqu'un de physique. Et lorsqu'on dit Al-Ummat, le pluriel de quelque chose qui n'est pas physique. Donc, quand on parle d'un livre, on dira le pluriel de Al-Ummat, et non Al-Ummahat. Donc, on dit Al-Ummat, As-Sitt, les six recueils mères de hadith. Hein? Muslim. Al-Nasa'i, dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Al-Nasa'i, après Abu Daoud, après Al-Tirmidhi, après Ibn Majah. L'imam al-Bukhari, quand est-ce qu'il est mort? 256. L'imam muslim. Hein? 261, Ahsantum. L'imam al-Bukhari, on avait donné juste, on terminera sur ça le travail, le nom du sahih de l'imam al-Bukhari. Le nom exact de son livre. Hein. من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وأيامه أحسنت. دوك الجامع المسند الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أحسنتم. Ça c'est le nom entier du Sahih de l'imam al-Bukhari qu'on appelle généralement Sahih al-Bukhari. Mais le nom qu'il lui a donné, c'est celui qu'on vient d'évoquer ici. C'était un des devoirs que je vous avais demandé de faire. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak. Ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.